Bonjour à tous, les infos de ce 27 novembre 2018 sur ARL-FM. La mère de Jérémy Pirson, l'assassin de Béatrice Berlémont, condamné ce lundi, jugement a été rendu dans le dossier Nancy Pirson. La maman de Jérémy était poursuivie pour avoir fait passer de la drogue à ce dernier en prison. Condamné à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et l'assassinat de la jeune Béatrice Berlémont en 2014, Jérémy Pirson purge sa peine à la prison d'Arlon. Lâché par sa compagne de l'époque, Jérémy continuait cependant à recevoir des visites de sa maman, des visites un peu particulière dans la mesure où celle-ci n'hésitait pas à cacher de la drogue dans ses vêtements pour l'apporter à son fils. Elle n'a toutefois pas su échapper à la vigilance des gardiens qui ont retrouvé près de 100 grammes de résine de cannabis dans son soutien-gorge. Un stratagème qui avait pourtant fonctionné par le passé puisqu'elle n'était pas à son coup d'essai. Le tribunal l'a donc condamnée à une peine de 2 ans de prison et 1000 euros d'amende avec un sursis durant 3 ans pour l'ensemble de la peine. Face au tribunal, il apprend qu'il sera poursuivi pour viol. Tout récemment, le parquet du Luxembourg a annoncé sa volonté de durcir le ton envers les violences conjugales et intrafamiliales. Ce lundi, à la barre du tribunal correctionnel d'Arlon, un homme originaire d'Aubange devait répondre de 2 faits de coups et blessures envers sa compagne. Père de 5 enfants, il a également appris à la barre qu'il allait être poursuivi pour viol. 2 ans de prison ferme ont été requis à son encontre, même si cela fait plusieurs mois qu'il est déjà derrière les barreaux de la prison d'Arlon. À Messancy, le fameux gilet jaune a trouvé une autre utilité. C'est une photo amusante qui circule pour l'instant sur le groupe Facebook Flash Crash. Un automobiliste n'a rien trouvé de mieux que d'aller scotcher son gilet jaune autour d'un radar de Messancy, situé juste en face du Cora. Même si le mouvement des gilets jaunes n'a pas encore fait beaucoup parler de lui, certains ont trouvé une autre utilité à ce fameux gilet de détresse que tout un chacun possède ou doit posséder dans son véhicule. Un fait similaire a été recensé à Florentville, un homme ayant mis en peinture le dispositif et qui plus est, juste en face du bureau de police. Parlons bien, parlons handisport. Le défi fou de l'Arlonnais Rémi Mazzi, qui malgré un bras amputé, se met au ski. Après une participation au championnat d'Europe de Berlin, l'athlète arlonnais a définitivement rangé ses spikes pour se consacrer désormais à la pratique du ski alpin. Très actif en athlétisme par le passé et plus précisément sur 400 mètres, Rémi a néanmoins décidé d'effectuer un virage assez important dans sa carrière de sportif. Pour lui, l'athlétisme c'est fini et il se consacre maintenant au ski alpin. Du côté de la météo à présent, aujourd'hui on annonce un temps brumeux et nuageux dans l'après-midi, mais avec peu d'éclaircies, mais un temps relativement sec tout au long de la journée avec des maxima de 5 degrés. Pour demain, nous aurons un ciel très nuageux dans la matinée avec un temps sec, et puis dans l'après-midi, nous aurons quelques faibles pluies ou bruines avec des maxima de 7 degrés. Et enfin pour jeudi, nous aurons un ciel très nuageux et un temps sec dans la matinée également, avec un risque de pluie dans l'après-midi avec des maxima allant de 6 à 9 degrés. Et aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à tous les Virgiles qui nous écoutent. Pour écouter ces infos, rendez-vous sur www.arl.fm ou sur www.sudinfo.be/luxembourg.